Ce jour-là, sans un mot, M. X m'a tendu une photo. La photo d'une très jolie femme. Sur ce portrait pris de trois quarts, l'inconnue souriait largement et avec beaucoup de charme. Quelque chose dans sa coiffure mi-longue en rouleau, dans son maquillage, évoquait les années 50. D'ailleurs, elle avait incontestablement une ressemblance avec Grace Kelly. Un dernier détail, un collier à triple rang de perles soulignait un cou et un décolleté parfait. Ce pouvait être une actrice, une femme du monde. Son élégance semblait naturelle, sa distinction aussi. « Qui est-ce » ai-je bien sûr demandé à mon interlocuteur. Monsieur X m'a répondu en reprenant une expression autrefois malencontreusement employée par un premier ministre de la France. « C'est une innocente victime. » Et soudain, Monsieur X, qui ne m'avait pas habitué jusque-là à de tels éclats, s'est mis en colère. Une colère froide, impitoyable. Oui, a-t-il répété, une innocente victime. Et jamais cette expression n'a été aussi justifiée, a-t-il poursuivi. Car victime, elle l'a été, oui, et innocente également. Tant cette jolie créature était incapable de soupçonner la saloperie qui allait la massacrer. Tant elle était étrangère aux obscures machinations qui l'ont broyée. Son nom certainement ne dira rien à la plupart d'entre vous. Henriette Trémaux. Et pourtant, sa mort horrible a provoqué une intense émotion en 1957. Qui pouvait en vouloir à cette femme belle et délicate? Alors était-ce son mari, le préfet Trémaux, qui était visé? Mais pour quelle raison? La police, les services spéciaux ont enquêté pendant de longs mois. Leurs soupçons se sont portés vers les milieux néo-nazis. Nous allons voir pourquoi avec M. X. Mais, autant vous le dire tout de suite, cette piste n'a donné aucun résultat probant. Et le juge d'instruction chargé de l'affaire a fini par prononcer un non-lieu. Et on a peu à peu oublié la belle Henriette Trémaux. Sa mort, vraisemblablement, resterait donc à jamais une énigme. Et pourtant non. Bien des années plus tard, une partie de la vérité a été révélée. Je dis bien une partie de la vérité. Mais raison d'État oblige, rien ne s'est passé. L'enquête n'a pas été réouverte et les mêmes journaux qui avaient fait de grands titres sur la mort d'Henriette Trémaux se sont contentés de publier de brefs articles sur la nouvelle, comme si cette vérité était trop dérangeante ou trop sulfureuse. Redevenir le flambeau des batailles, l'horizon des déserts. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Bon, je crois qu'il faut peut-être commencer par évoquer les circonstances exactes de la mort d'Henriette Trémaux. C'est vrai, vous avez raison. Nous sommes donc en 1957, en mai exactement. Et André Trémaux est le préfet du Bas-Rhin depuis 2 ans environ. Et qui est-il ? Oh, c'est un homme d'une 50aine d'années qui a déjà fait une très belle carrière dans la préfectorale. En fait, après des passages à Poitiers, Orléans, Alger et Nantes, je crois, il atteint pratiquement le sommet de sa carrière quand le gouvernement le nomme à Strasbourg. Et pourquoi le sommet de sa carrière ? Parce que Strasbourg, en ces années 50, est devenue une ville symbole. Ah oui, symbole européen. Bien sûr. Le traité de Rome vient juste d'être signé. La communauté européenne charbon-acier est en place. Et on parle bientôt d'une coopération nucléaire, l'Euratom. Et puis il y a encore le Conseil de l'Europe, l'Union de l'Europe occidentale. Alors, beaucoup de réunions de ces organismes se tiennent à Strasbourg. Donc Strasbourg, ville européenne par excellence, et le préfet, naturellement, est en première ligne. D'accord. Mais alors la mort d'Henriette Trémaux ? Moi j'y viens. Ce jour-là, la journée commence très bien pour les Trémaux. Lui a présidé l'Assemblée générale de la Chambre d'agriculture. Et à cette occasion, on lui a remis la rosette du mérite agricole. Ah, le poireau. Oui, le fameux poireau. Quant à elle, elle se livre à une activité coutumière en préparant une réception que doit donner son préfet de Marie. Et dans la vie générale, Madame Trémaux était une parfaite hôtesse de maison et veillait à ce que ses invités soient très bien traités. Mais cette réception-là, qu'est-ce que c'était ? Écoutez, je crois me rappeler qu'elle était destinée à honorer quelques dirigeants de la Régie des Tabacs qui étaient venus inaugurer un nouveau magasin. Enfin, quelque chose comme ça. Donc Madame Trémaux mène rondement son affaire. Dans la salle à manger de la préfecture, tout est en place. Après le déjeuner, on ira prendre le café dans un salon voisin. Et Henriette Trémaux pense aux cigarettes. Ça me paraît indispensable pour des gens de la Régie des Tabacs. Indispensable, n'est-ce pas ? Elle fait donc préparer un plateau où elle dispose plusieurs paquets. Et soudain, elle se rappelle. Il y a très peu de temps, son mari a reçu une splendide boîte de Havane. Il voulait les offrir lors d'une autre brillante réception qui a eu lieu 3 jours plus tôt. Mais il a oublié. Quand vous dites brillante ? Bah, écoutez, il y avait là des hommes politiques importants, plusieurs anciens présidents du Conseil. L'occasion ou jamais d'offrir ses cigares. Mais Trémaux, je vous l'ai dit, a oublié. Donc, Madame Trémaux demande à sa femme de chambre d'aller chercher cette boîte. Mais bon, j'imagine que cette boîte de cigares va jouer un grand rôle dans votre récit. Alors, on pourrait peut-être s'y arrêter un tout petit instant. Vous avez deviné. Eh bien, le service du courrier de la préfecture avait noté que la boîte, une boîte de Huppmann, je crois... Très bon cigare. Oui, avait été expédiée depuis un bureau de poste du 12e arrondissement de Paris. Elle était d'ailleurs accompagnée d'une carte de visite du représentant pour l'Europe de cette fabrique de cigares. Et les employés du courrier l'avaient transmise au secrétariat du préfet. Donc, il ne l'avait pas ouverte ? Non, pourquoi l'aurait-il fait ? Bah, je sais pas, aucune méfiance. Aucune, non. Alors, bon, reprenons votre récit. Donc la femme de chambre apporte la boîte de Huppmann et s'en retourne pour se préparer car elle doit faire le service du déjeuner. Madame Trémaux s'empare d'une paire de ciseaux et entreprend d'ouvrir la boîte. Et soudain, c'est l'explosion, énorme. Toute la préfecture tremble, c'est l'affolement dans le bâtiment. Quant à Henriette Trémaux, elle est morte sur le coup, littéralement déchiquetée. C'est son mari, sorti en hâte de son bureau, qui la découvre dans le salon. Vous imaginez le choc. Oui. Et je crois que le préfet Trémaux ne s'en est jamais tout à fait remis. D'ailleurs, il a définitivement quitté Strasbourg quelques jours après. Oui, ça se comprend. Mais bon, l'enquête, hein, je pense qu'assez vite, on a pu établir que ce n'était pas Madame Trémaux qui était visée. Bien sûr. D'autant que la boîte de cigares était destinée à son époux. Donc la cible, c'était lui, l'époux. Oui, lui ou ses invités. Les types de la Régie des Tabacs ? Non, les gens qui avaient été invités à la réception qui s'était tenue 3 jours auparavant. Je vous l'ai dit, il y avait du beau monde. Et si Trémaux avait ouvert la boîte de cigares au beau milieu de ses invités, ça aurait été un véritable carnage. Mais Trémaux avait oublié les cigares. Heureusement pour ses personnalités politiques et malheureusement pour Henriette Trémaux. C'est sûr, oui. Mais non, revenons à l'enquête. Hein. Étant donné le caractère très particulier de l'affaire, elle est donc confiée, vous le pensez bien, à la DST. Et le patron, à l'époque, le patron de la DST, c'était le célèbre Vibeau. Lui-même, le bouillant et ténébreux Vibeau. C'est ironique, là. Bon, disons que je me suis toujours méfié des gens qui ont tendance à voir des complots partout. Bref, Par ailleurs, je crois vous l'avoir déjà dit, Vibo n'était pas un mauvais flic du tout. Enfin, ça, on peut en reparler si vous voulez. Mais dans l'affaire qui nous occupe, là, l'affaire Trémaux, il a joué un rôle. Oui, important. Ce sont les services placés sous son autorité qui ont obtenu les premiers résultats. Mais n'allons pas trop vite. Je vous écoute. L'attentat contre cette pauvre Henriette Trémaux a eu lieu, je vous le rappelle, en mai 57, donc en pleine guerre d'Algérie. Et Trémaux, hein, m'avez-vous dit, avait été préfet d'Algérie. Exactement. On pouvait donc penser, dans un premier temps, au FLN. Évidemment. C'est la première idée qui venait à l'esprit. Et alors ? Eh bien non. Non, c'était pas le FLN. Les enquêteurs s'en sont très vite persuadés. Et puis ce style d'attentat très sophistiqué, ce n'était pas dans la manière des combattants algériens. Vous avez dit sophistiqué. Oui. Le système de mise à feu utilisé, la puissance exceptionnelle de la charge, tout ça montrait que derrière, il y avait des types très pointus. Très pointus, c'est-à-dire des professionnels, c'est... Bien sûr. Et après avoir abandonné la piste FLN, les enquêteurs de la DST ont commencé à regarder chez nous. Chez nous, c'est-à-dire ? Vous vous souvenez de la main rouge ? Ah ben, naturellement, vous en avez longuement parlé. Et c'était une fausse organisation contre-terroriste montée par nos propres services secrets. Le SDEC, oui, c'est ça. Une organisation qui luttait contre le FLN, ses sympathisants et les trafiquants d'armes qui approvisionnaient les combattants algériens. Je me souviens. Mais quel rapport avec le préfet Trémaux ? Eh bien, dans les services secrets, vous le savez, on ne cesse de jouer au billard à trois bandes. Et il n'était pas tout à fait stupide de penser que la main rouge avait organisé cet attentat afin d'en attribuer la responsabilité au FLN, justement. Très loin d'ici, il existe une zone où on garde en secret l'après-midi des faunes, là où les souvenirs à jamais emmurés ont des histoires d'amour toujours inachevées et jamais abouties comme sont les conquêtes. Les chevaux ruisselants juste avant la défaite, quand le seigneur de guerre reconnaissant les siens sous les masques de fer se penche et ne dit rien. Et chaque nuit les villes brûlent compagne de feu. As-tu connu ces hommes? Ces hommes du refus au loin des compromis que l'argent corrompu n'a jamais assagi. Ceux qui tiennent leur clan en dehors de la norme. Chien de guerre qui fermait les portes des cellules. Il reste pour les loups ce battement de cœur, ce tempo de survie venu des profondeurs, cette rage de vivre rivée sous la férule. Et chaque nuit dans un ouvrage de référence, Les secrets de l'espionnage français de Pascal Krop, livre paru chez Jean-Claude Lattès en 1993, l'auteur dresse une liste des opérations contre-terroristes exécutées par la main rouge. Il écrit, je cite, « De 1956 à 1961, la main rouge s'est véritablement déchaînée. Attentats, meurtres, hold-up, les opérations Arma pour les armes et Homo pour les homicides n'ont cessé de se succéder. Et Krop de dresser toute une liste d'attentats attribués à la main rouge, c'est-à-dire au SDEC. Cela commence en septembre 1956. Le 28, les bureaux du trafiquant d'armes Otto Schluter sautent. Une bombe à retardement avait été maquillée en extincteur. L'adjoint du trafiquant d'armes, Wilhelm Lorenzen, y perd la vie. Deuxième attentat sur la liste établie par Krop, je le cite intégralement, 17 mai 1957. En ouvrant une boîte de cigares Henri Hoopman, envoyée à son mari par un certain Carlos Garcia Soldevillat, Henriette Trémaux, épouse du préfet du Bas-Rhin, est déchiquetée par l'explosion d'une machine infernale. Rappelons que M. Trémaux avait été préfet d'Alger. Alors, reprenons le fil de mon entretien avec M. X. Était-ce vraiment la main rouge ? Non, je suis formel. Qu'est-ce qui vous permet quand même de l'affirmer aussi solennellement ? Je crois vous avoir déjà donné la preuve que je connaissais assez bien le fonctionnement du SDEC. Ça, c'est vrai, mais... Et donc aussi les activités de la main rouge. Exactement. Par conséquent, je suis en mesure de vous dire que la main rouge est étrangère à l'attentat qui a coûté la vie à Henriette Trémaux. Alors qui ? Attendez. Reprenons d'abord le fil de l'enquête de la DST. Les policiers du contre-espionnage ont assez vite fait un rapport entre cet attentat et le fait que depuis quelques mois, depuis la fin 56 exactement, les deux départements alsaciens étaient inondés de tracts et de lettres émanant d'un mystérieux groupe néo-nazi, le Kampfverband. Mystérieux pourquoi ? Parce que jusque-là, personne n'avait jamais entendu parler de ce groupe et que son existence se limitait, semble-t-il, à ces envois de tracts. Attendez, des tracts qui disaient quoi ? Il revendiquait essentiellement le rattachement de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Oui, mais il y a toujours eu en Alsace des irrédentistes. Et des autonomistes, c'est vrai. Mais très minoritaires, vous en conviendrez. Et puis ces types-là ne se réclamaient pas forcément de l'idéologie nazie. Or, les tracts dont je vous parle étaient frappés de la croix gammée. D'accord. Alors, mais pourquoi les policiers de la DST ont établi un rapport entre ces tracts et puis l'attentat de la préfecture ? Parce qu'ils ont fait la preuve que ces tracts néo-nazis et l'adresse dactylographiée qui figurait sur l'emballage de la boîte de Havane avaient été tapés sur la même machine à écrire. Ah, parce que cet emballage avait été conservé ? Oui. La secrétaire particulière du préfet était particulièrement consciencieuse et afin d'envoyer un mot de remerciement à l'expéditeur, elle avait donc conservé ce papier. Il y avait donc également sur ce papier l'adresse de cet expéditeur. Oui, mais bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, c'était une adresse bidon. Alors à partir de là, l'enquête va s'orienter, je l'imagine, vers les milieux néo-nazis. Et d'abord en Allemagne. La guerre est encore toute proche et la dénazification, vous le savez bien, n'a été bien souvent qu'incomplètement accomplie. Les nostalgiques du Troisième Reich, ils sont encore légion, même s'ils demeurent discrets. Et même si, très courageusement, les dirigeants de l'Allemagne fédérale mènent une politique délibérément européenne. Or, quelques mois avant le drame de Strasbourg, le chancelier Adenauer a échappé à un attentat. Alors, racontez. Eh bien, on lui a envoyé un livre piégé. Curieuse coïncidence, non ? C'est-à-dire, même processus opératoire. Oui, oui, mais heureusement que pour le chancelier, les services de sécurité allemands ont détecté à temps l'engin meurtrier. En tout cas, cette coïncidence accréditait l'hypothèse de l'existence d'un groupe néo-nazi prêt à tout. Et policiers allemands et français ont redoublé d'efforts pour découvrir ces types. C'est-à-dire qu'ils ont enquêté en France aussi ? Naturellement. Nous aussi, on avait nos nostalgiques. Ah, une nostalgique de Vichy. Et de la collaboration, oui. Et il y avait parmi eux des durs parfaitement capables d'avoir organisé un attentat de ce type. Vous avez des exemples ? Oh, je pourrais vous en citer des dizaines. Il y avait par exemple les frères Sidos, les fils d'un collaborateur fusillé à la Libération, qui avait créé un mouvement, l'œuvre française, une organisation violemment antisémite. Et puis, n'oubliez pas qu'en 1956, aux élections législatives, les poujadistes avaient obtenu un grand succès. Et parmi eux, il y avait incontestablement des gens d'extrême droite. L'un de ces députés poujadistes s'appelait Jean-Marie Le Pen. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ouais, ça, je n'ai pas oublié. Il y avait donc... En France, à cette époque-là, un vrai terreau d'extrême droite. Incontestablement, oui. Alors, le résultat des investigations de la police ? Rien. Pas l'ombre d'une piste. Même si, pendant un instant, on a cru que c'était un groupuscule néo-nazi d'Hambourg qui dissimulait les activités coupables du Kampfverland. Ben, ça voulait peut-être dire, enfin, que ce groupe néo-nazi n'existait pas. En tout cas, on pouvait légitimement se poser la question. Mais la lumière a commencé à se faire quand les policiers de la DST ont compris que les véritables auteurs de l'attentat avaient sciemment choisi de taper les tracts néo-nazis et l'adresse du préfet sur la même machine. Expliquez-moi. Oh, c'est simple. Ces gens-là voulaient que l'attentat soit attribué aux néo-nazis. Bah, oui, mais enfin, c'est pas un peu compliqué, cette histoire de machine à écrire. Après tout, s'ils voulaient que ce soit ce groupe-là, comment l'appelez-vous déjà ? Le Kampfverband. Donc, s'ils voulaient que ce soit ce Kampfverband qui soit reconnu comme étant l'auteur de l'attentat, au fond, il suffisait de publier un communiqué de revendication, comme le font toutes les organisations terroristes. Erreur. Un communiqué de revendication, c'était trop simple, trop grossier. Tandis que le coup de la machine à écrire était assez subtil. Ça permettait de mettre en valeur le travail de la police. Et du coup, l'identification devenait irréfutable. Non, je vous assure, derrière, il y avait des cerveaux. J'ai retrouvé un exemplaire de ces tracts envoyés par ce pseudo-groupe néo-nazi appelé Kampfverband, groupe de combat pour une Allemagne indépendante. Je vous en lis quelques passages. Oppresseurs français, nous avons déjà trop longtemps supporté de vous voir vous pavaner avec arrogance dans Elsace-Lothringen, c'est l'appellation germanique de l'Alsace-Lorraine, territoire que vous avez impudemment usurpé. Le peuple d'Allemagne ne tolérera plus de vous voir faire litière de nos anciennes traditions et imposer à la population autochtone une culture pourrie et décadente. non pas vos chansons triviales, mais bien notre langue et nos chants sonneront sur cette terre. Quels que soient vos efforts et vos artifices, jamais vous ne parviendrez à faire de nos enfants des Français. Nous abattrons vos salmins qui étranglent notre peuple et prétendent le mettre à genoux par le chantage et les menaces. Vos espions, vos agents, vos enseignants, qui, au nom de votre pays dégénéré, s'emploient à humilier et déraciner la fierté de nos concitoyens, n'échapperont pas au juste châtiment qui les attend. Nos gens vivent au milieu de vous et sont parfaitement instruits de tous vos crimes. Vous voilà donc avertis et chacun de vos forfaits sera désormais suivi d'une vengeance impitoyable. Si je vous ai bien suivi, ce Kampfverband était une sorte de faunée. Oui. C'est bien ça, hein ? Oui, oui. Mais il a fallu très longtemps avant de le comprendre et surtout de découvrir qui se cachait derrière ces faux néo-nazis. Et vous avez été impliqué personnellement dans cette histoire ? Bon, disons que je l'ai suivi de très près. Ça vous va comme réponse ? Je vois bien que je m'en contente, je commence à vous connaître. Alors, ce qu'il faut d'abord que je vous dise, c'est que les activités de ces prétendus nazis ont continué après l'attentat de Strasbourg et un peu partout. Vous voulez dire en Europe ? Non, non, dans le monde entier. À Cologne, à Londres, à New York et même en Australie. Des synagogues ont été barbouillées de slogans nazis ou de croix gammées. Des monuments ont été profanés. Des magasins appartenant à des juifs ont été aussi touchés. Au total, des centaines et des centaines d'actes antisémites. Oui, mais ça pouvait être aussi une sorte de contagion. On l'a bien vu récemment en France. Des voitures brûlent à Strasbourg et puis le lendemain, d'autres véhicules sont incendiés à Saint-Étienne. Oui, vous avez raison et ça a joué incontestablement dans notre affaire. Des types un peu fêlés, spontanément, ont imité ces faux néo-nazis. Oui. Et parmi ceux-là, il y avait peut-être des vrais nazis. Enfin bon, mais j'imagine que si ces actes ont été aussi nombreux, on a quand même dû procéder à quelques arrestations. Bien sûr. Mais à chaque fois, on est tombé sur des pauvres types, des bras cassés à qui on pouvait faire croire n'importe quoi. Alors, racontez-moi, enfin, pourquoi vous avez compris qui se cachait derrière tout cela ? Eh bien, assez vite, nous nous sommes dit que derrière tous ces actes antisémites, il y avait une volonté, une organisation. Alors, à partir de là, je vous l'ai souvent dit, nous avons cherché à savoir à qui profitait le crime. Ouais. Or, ces années 1950 étaient des années cruciales pour l'Europe à naître. Mais je crois que le traité de Rome était signé en mars 57, hein, c'est bien ça ? Oui, oui. Et on était en pleine discussion sur l'Euratom après avoir réussi la CECA, c'est-à-dire la communauté charbon-acier. Communauté d'ailleurs dont le siège était à Strasbourg, notez-le bien. Alors, voyons d'abord ce qui s'est passé après l'attentat qui a coûté la vie d'Henriette Trémaux. L'information qui attribuait l'attentat aux néo-nazis a été très vite rendue publique. Et immédiatement, ça a déclenché une violente campagne de presse. Dans les journaux français ? Mais pas seulement, c'est logique. 12 ans seulement après la fin de la guerre, c'était le réveil de la bête immonde, pour reprendre l'expression de Bertolt Brecht. Et ça ne pouvait laisser personne indifférent en France, mais aussi dans le monde entier. Mais quelle était exactement la teneur de cette campagne de presse ? Eh bien, l'Allemagne était montrée du doigt. C'était elle la coupable. Coupable d'abriter des néo-nazis, coupable de ne pas avoir pu ou su rompre avec son passé totalitaire. Et c'est vrai que de nombreux nazis avaient échappé aux purges, et que d'anciens dignitaires du Troisième Reich avaient pignon sur rue en RFA. Donc, écrivaient les journaux, si l'Allemagne n'en a pas terminé avec ses vieux démons, rien n'empêche qu'un jour une nouvelle guerre éclate. Et chaque jour, un nouvel acte d'antisémitisme conforte cette opinion. Ça, c'est le thème bien connu, hein, exploité dans la presse de gauche, surtout le thème des revanchards. Oui, oui, les revanchards de Bonn, comme on les appelait à l'époque. Mais attendez, c'est un argument, hein, je l'ai dit, qui était surtout utilisé à l'Est ou dans les journaux communistes. Hein. Oui, vous avez tout à fait raison. Et finalement, c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. Qui avait intérêt à envenimer les rapports entre l'Allemagne et ses alliés occidentaux ? Qui avait intérêt à mettre l'Allemagne fédérale au banc des nations ? L'URSS, bien sûr. L'URSS, qui voulait empêcher aussi le rapprochement franco-allemand. Et qui voulait surtout faire échec à la communauté européenne, parce que les soviétiques étaient persuadés que cette union se ferait contre le bloc de l'Est, et avec le soutien des États-Unis, bien sûr. J'ajoute quelque chose d'assez étonnant. À l'époque, l'URSS entamait un rapprochement avec la République fédérale allemande. Là, je ne comprends pas, ça me semble quand même un peu contradictoire. Pas du tout. Quand vous commencez à négocier avec un partenaire, quel qu'il soit, vous avez intérêt à trouver en face de vous un partenaire affaibli, non ? Et c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que cette manœuvre d'intoxication a fait très mal à l'Allemagne. Oui, mais d'accord, mais pour accuser, il faut quand même des preuves. C'est juste. Or, nous n'avions que des soupçons. Des soupçons très solides, très forts, mais rien que des soupçons. Vous n'avez jamais eu de preuves? Si, mais bien plus tard. Expliquez-moi ça. Mais encore une fois, c'est un transfuge qui a vendu la mèche, plus de 10 ans après la mort d'Henriette Trémaux. Et il nous a révélé la vérité. Les organisateurs de cette campagne néo-nazie étaient les services secrets tchèques. Les tchèques qui n'avaient été que des exécutants, car les véritables commanditaires étaient évidemment les soviétiques. Le KGB. Oui. Et en particulier la division D de cette organisation. Une division dirigée par un personnage que nous connaissions bien, le général Agayans. Pourquoi le connaissiez-vous aussi bien? Parce que ce type très brillant, très astucieux, avait été en poste à Paris. À l'ambassade? Oui. Sous une couverture diplomatique, il y avait dirigé pendant de nombreuses années le service d'espionnage soviétique à Paris. C'était le résident du KGB, comme on dit. Bon, il faut dire qu'il connaissait très bien la France et que dès 1943, à Alger, il avait noué des contacts politiques de premier plan. Alors c'est donc ce brillant général qui a monté cette opération d'intoxication. Oui, une opération d'intoxication très habilement et très cyniquement préparée. Je peux même vous dire qu'Ivan Agayans l'avait testé in vivo avant de l'exécuter. In vivo, c'est-à-dire? Eh bien, une nuit, il avait envoyé un commando de type du KGB dans un village perdu. Les gars avaient investi un cimetière juif, peint des croix gammées sur les tombes et écrit un peu partout des slogans antisémites. Puis ils avaient disparu. Et quel était le véritable but de cette mascarade? Tout simplement d'observer ce qui se passait. Et ça a été très révélateur. Parce que si beaucoup de villageois ont manifesté leur indignation, quelques autres ont aussitôt réveillé l'antisémitisme latent qui existait en eux. Et ça, de la part d'Agayans, c'était diabolique. Et ça l'a encouragé à faire la même chose à l'Ouest. Exactement. Il s'est dit que si ça avait marché dans ce village russe, ça pouvait aussi fonctionner à plus grande échelle dans le monde entier. Et c'est ce qu'il a entrepris. Et encore une fois, je vous l'affirme, ça a été une vraie flambée de poudre. Et un peu partout, on a commencé à se dire que, décidément, les Allemands n'étaient pas des gens fréquentables. C'est quand même excessivement dangereux, hein, d'ouvrir la boîte de Pandore et de réveiller ces vieux démons du nazisme. Parce qu'on ne sait pas toujours si on pourra les contrôler. Oh, que voulez-vous, les dirigeants soviétiques n'avaient pas ce genre de scrupules. Et la malheureuse Henriette Trémaux l'a payé de sa vie. Mais donc, grâce à ce transfuge dont vous m'avez parlé auparavant, vous avez eu enfin la preuve qui vous manquait. Mais est-ce que la manifestation de cette vérité a eu des conséquences? Aucune. Ça vous choque? Oui, parce que la France, sachant que c'était les Tchèques, aurait pu émettre, je ne sais pas moi, une protestation, imaginer des représailles. 10 ans après? Non. Non, l'affaire a été promptement étouffée. Il faut dire que lorsque nous avons découvert la vérité au début des années 70, notre pays a amorcé un rapprochement avec la Tchécoslovaquie. Est-ce que l'affaire Trémaux valait de briser ce rapprochement? Ça. Les gouvernants de l'époque en ont jugé autrement, c'est tout ce que je puis dire. C'est un transfuge, nous a dit M. X, qui a permis à nos services spéciaux de découvrir la vérité sur cette opération d'intoxication et l'attentat de Strasbourg. Mais je me dois de vous signaler qu'une autre version circule. Elle est mentionnée en particulier dans les dernières nouvelles d'Alsace, qui reprend un article paru en 1971 dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. En fait, l'affaire aurait été rendue publique par une lettre confession d'un officier des services secrets tchèques, lettre adressée au secrétaire général du Parti communiste, Gustav Husak. Comment cette lettre est-elle parvenue au journal allemand? Mystère. D'autre part, j'ai trouvé dans le livre de Thierry Volton, « La France sous influence », paru chez Grasset, une relation de l'affaire Trémaux qui ressemble dans ses grandes lignes au récit fait par M. X. Volton évoque longuement cette campagne antisémite suscitée par l'Est, je le cite. De Noël 1959 à la mi-février 1960, la police ouest-allemande va enregistrer 833 manifestations d'antisémitisme. Plus loin, Volton affirme que les deux jeunes gens qui avaient inauguré cette campagne en Allemagne, en peignant sur la synagogue de Cologne un slogan où on lisait « L'Allemagne réclame l'expulsion des Juifs », ces deux jeunes gens donc appartenaient à un mouvement d'extrême droite, mais avaient néanmoins fait à plusieurs reprises des voyages en Allemagne de l'Est. L'un d'eux portait même, caché au revers de son manteau, un insigne du Parti communiste. D'autre part, le trésorier d'une organisation néo-nazie, toujours d'après Volton, aurait reconnu avoir reçu l'ordre depuis la RDA de noyauter les milieux d'extrême droite pour y propager des sentiments antisémites. Ce qui n'a pas dû, reconnaissons-le, être très difficile pour lui. Enfin, dans le gros livre de Christopher Andrew et Oleg Gordievsky consacré au KGB dans le monde, on trouve un rapide portrait du général Agayans, l'homme qui aurait été le chef d'orchestre de cette campagne d'intoxication. Le chef de la division D du KGB était, d'après ses auteurs, un Arménien de haute taille, grognon, mais au charme indéniable qui possédait plusieurs langues, dont le persan et le français. Agayans devait sa nomination au succès qu'il avait remporté dans le lancement de faux mémoires et d'ouvrages du même genre. On lui devait en particulier les pseudo-mémoires du général Vlassov, ou encore la publication d'une fausse correspondance entre Staline et Tito, où ce dernier, bien sûr, reconnaissait ses sympathies trotskistes. Bref, Agayans était un spécialiste du faux et de la contrefaçon, et c'est presque naturellement qu'on lui a donc confié la mission qui consistait à faire de l'Allemagne une république minée par la résurgence du nazisme, quitte à sacrifier quelques innocents au passage. À samedi prochain sur France Inter pour un nouveau rendez-vous avec M. X.